7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bon dia à la planète, à la famille, si vous venez d'arriver du côté d'Orléans comme Stéphanie qui vient de se connecter. Salut Stéphanie, belle journée, bon courage pour le taf. Bah ouais, il faut y aller. Hein. Je vous rappelle, ce matin, je vais vous envoyer, c'est dimanche à la Ferté-Saint-Aubin, spectacle d'hypnose avec Olivier Ravaillo, gros hypnotiseur, il est déjà venu plusieurs fois à la radio, Laurent au téléphone d'ailleurs tout à l'heure. Je vous offre des places ce matin pour aller voir ce beau spectacle, là, ça va être énorme. C'est à la Ferté, pour vous, votre famille, bah pourquoi pas, bah vous m'appelez. 02 38 43 48 00, et dimanche après-midi, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux, franchement, c'est énorme. Si vous avez pas vu encore de spectacle d'hypnose en direct, ça va vous surprendre même, j'ai envie de dire. Eh ouais, ça va être du très très bon, du très très lourd qui arrive aussi en musique, avec du son latina pour bien vous réveiller. 7h20, salut Stéphane, salut Francky, belle journée à toi, bon réveil. Bah merci, on est là nous depuis 6h30 à la radio pour vous envoyer du très très très très très bon son latina. Bon dia la planète, la familia, on est en live ce matin, bon petit déj, bonne douche. C'est Radio Arc-en-Ciel Orléans, 96.2 FM. Loco cuando lo mueve así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve. Semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve. Nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve. Nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos yo dando. Yo soy loco cuando lo muevo así, por encima de mí. Dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando lo muevo así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Chimbala, Zion y Lennox, Big One, el productor de oro. El Rayos del Sol, ça c'est bon, hein. J'ai bien la faille ici, tout le monde, hein. El Rayos, el Big Banda, el Banda, c'est Radio Arc-en-Ciel, 7h09, la famille. La météo. Ah, la météo pour ce matin, ça caille hein, ce matin, un petit degré au lever du jour, les températures vont pas beaucoup progresser aujourd'hui, on ne dépassera pas les 4 voire 7 degrés, nuages, et encore des nuages, et quelques gouttes de pluie, alors je regarde un peu Météo France, ça devrait normalement s'améliorer cette semaine, hein. Un petit peu de soleil prévu pour mercredi et jeudi, ça c'est la bonne nouvelle pour vous du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou Pithiviers si vous habitez par là, donc normalement le soleil devrait être là, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, ça c'est les bonnes nouvelles. Par contre, avec des températures plutôt pas mal, jeudi on va frôler les 10 degrés. Waouh, énorme. Du son qui arrive pour bien vous réveiller. Coucou à Joël qui est là et Olivier. On va les saluer. Salut la famille, passe une excellente matinée. Et pour bien vous réveiller, David Guetta, le petit remix de Radio Arc-en-Ciel par Francky avec Hadaway, un spécial Francky. Ça c'est pour vous et c'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Et on adore 7h28 minutes ce petit remix de David Guetta avec plein de belles choses dedans. Coucou à Dodo qui est connecté. Salut Dodo, belle journée à toi mon Francky, bah toi aussi mon ami qui part travailler sur Olivier, Joël et Olivier qui vont bosser aussi à Main-sur-Loire. Bah oui, ça y est, il est l'or mon seigneur, il est l'or de vous réveiller avec le meilleur des tubes. Pour moi ça c'est l'un des plus grands tubes des années 90. Ah on adore Yaz and the Plastic Population. Year One, Harry and Zop. Et ça va vous réveiller. Belle journée, bon petit déj à vous sur Orléans 96 FM. Sure enough. 7h09, c'est tranquille dans la radio, 7h31, welcome à vous si vous venez d'arriver du côté de La Chapelle, Olivier, ou alors la Frère de Saint-Aubin aussi justement, on va vous envoyer au spectacle d'Olivier Ravaillo, ça va être ce dimanche à partir de 15h je crois, ça va être énorme sur place, hein. Vous allez pouvoir voir un beau spectacle d'hypnose, peut-être vous m'appelez 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, 02 38 43 48 00. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et peut-être que la retraite approche pour certains ou certaines d'entre vous. Eh bien, les pays le mieux où on peut passer sa retraite par rapport à un sondage qui vient d'être effectué sur le New Times. Eh bien, en numéro 1 arrive le pays le mieux où on peut passer sa retraite, c'est la Grèce. Voilà, apparemment, en Grèce, ça serait le pays numéro 1. Arrive le Portugal en deuxième position. Tiens, bonne nouvelle. En troisième, l'Espagne, où on peut passer aussi une superbe retraite. C'est ce que dit le New Time. En quatrième position, le Maroc qui se place quatrième, la Tunisie cinquième, la Thaïlande sixième, l'île Maurice en septième position et le Sénégal en huitième et Bali en neuvième position. Voilà, si vous voulez déjà choisir votre pays de retraite, pourquoi pas l'Espagne, le Portugal, pourquoi pas Bali, pourquoi pas le Sénégal, eh bien allez-y, vous avez le choix. Le choix est là. Marquito qui est arrivé, Louis Bertignac, les visiteurs avec le meilleur des souvenirs et ces idées-là. Belle journée et bon petit déj. quelle magnifique chanson ce matin, 7h37. Louis Bertignac, les visiteurs, ces idées-là. Ex-membre du groupe Téléphone. Bah ouais, il y a une fille qui est partie, il est triste, donc il a fait une chanson. On vous souhaite une belle journée. Coucou à Marie-Hélène qui nous écoute depuis La Réunion. On va l'aura au téléphone parce que elle a créé une cagnotte Litchi pour aider son enfant handicapé. Et on l'aura au téléphone vers 7h45. À La Réunion, il fait 10h du matin et il fait déjà 30 degrés. Et bien, elle va nous parler justement de cette belle cagnotte qui a été mise en ligne il y a quelques semaines. On vous souhaite un bon réveil et j'adore aussi Disco Purple Machine. Et j'adore cette fille. I love you. Ich liebe dich. Belle journée et bon réveil. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. Ce matin, 96 FM, merci d'être aussi nombreux tous les matins, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Direction l'île de la Réunion, eh ouais, il fait beau, ah, 30 degrés. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et on est à la Réunion, l'île de la Réunion avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Franck, comment ça va? Eh ben non, ça passe bien le téléphone apparemment. Hein. Oui, hein. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a le téléphone. Marie-Hélène, on te souhaite la bienvenue ce matin en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 7h41 Orléans. Et chez vous, il est quelle heure à La Réunion? Il est 10h30, enfin 10h40. Donne-nous un peu la rage. Combien de degrés là? Alors là, il est 10h40, il fait plus de 30 degrés. Ah ouais, bah nous, il fait moins 1. Plus de 40 degrés cet après-midi. Ah la vache. Bah nous, tu vois, il fait moins 1 à peu près là, Orléans. Moins 0, oui. Moins 1. Ah bah oui, bah je me doute. Moi, je suis parti avec le bonnet ce matin. Voilà, on a une île paradisiaque, mais C'est bien. Voilà. Il faut en profiter. On salue tous nos amis réunionnais sur Orléans qui sont beaucoup à nous écouter aussi le matin. Oui. Le but de ton appel, c'était pas de nous dire bonjour. Déjà, ça fait plaisir, mais aussi c'était pour parler de cette cagnotte Litchi qui est en ligne, aider Léonie à faire partir le matériel qu'il faut. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes à La Réunion, c'est ça? Voilà, ça fait 2 ans et demi, malheureusement, même si c'est paradisiaque. Au niveau des prises en charge, les soins médicaux, enfin, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Très long, très compliqué, je comprends pas. Mmh. Léonie a une prise en charge qui était régulière à Orléans, sur Necker ou sur Tours. Bien sûr. Hein. C'est très compliqué, c'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, elle n'a pas d'orthophoniste, elle est toujours sur liste d'attente et on risque pas d'en avoir parce qu'il y a une pénurie d'orthophonistes. Alors que elle, elle a des troubles du langage pour manger, pour tout ça, donc c'est trop compliqué. Mmh. Et du coup, malheureusement, j'ai été venue pour m'installer définitivement à La Réunion. Et je suis dans l'obligation de repartir parce que je veux pas mettre ma fille en péril. En danger aussi, son avenir. Ouais, bien sûr. Moi, c'est son avenir qui compte maintenant, plus le mien, mais le sien. Et pour ici, je ne vois aucun avenir pour elle. Au collège, elle est aussi en 6e au collège. Ouais. Trop compliqué. Quand vous voyez que les AESH qui vous demandent est-ce qu'il faut l'accompagner pour aller dans la piscine, est-ce qu'il faut la déshabiller, non, c'est trop compliqué. Ouais, c'est très complexe. Donc du coup, c'est voilà, c'est les gens qui sont embauchés, c'est des copains et aucune qualification et voilà. Donc non. Donc, je peux pas. Du coup, bah, le retour en France qui est prévu dans quelques mois, je pense. Oui, voilà. Mais pour ça, bah, il faut de l'aide, hein, parce que elle a besoin d'aide, la petite Léonie. Bah, elle a besoin d'aide, surtout au niveau de sa prise en charge par rapport à tout ce qui est matériel médical. Elle a 2 chaises coques, elle a un fauteuil électrique, elle a un fauteuil manuel, qui partira avec elle, le fauteuil manuel, effectivement. Mais le fauteuil électrique, il partira par bateau. Enfin, elle a un tricycle qui vient juste d'être commandé. Et comme on ne peut pas recommander tout de suite, il faut attendre 5 ans avant de pouvoir recommander. Ouais. Donc, ne peut pas annuler. Donc voilà. Donc, du coup, on a besoin vraiment de votre soutien et de votre aide pour pouvoir faire partir tout ça. Hein. Il y en a pour un petit... ça coûte de l'argent, comme tout maintenant aujourd'hui. Hein, voilà. Un bras, parce qu'en plus, Orléans, il n'y a pas de port. Hein, donc, il n'y a pas de port, oui. C'est Wavre, ça sera Wavre peut-être, non ? Saint-Nazaire, Orléans, ça chiffre bien. Hein. Ouais, donc voilà. Donc du coup, en ligne, tu as créé une cagnotte Litchi, c'est ça ? Une cagnotte en ligne, oui, compte Litchik. Voilà. Au nom de pour porter Léonie. D'accord. Donc on donne le lien, c'est soutenir. Voilà, partagez au maximum le lien et moi je l'ai mis sur mon Facebook pour aller voir, même à la radio, vous nous appelez si vous voulez des renseignements. On peut vous donner le lien si vous voulez mettre un peu d'argent pour justement aider la petite Léonie à revenir. Même si c'est une petite somme, c'est toujours mieux que rien, quoi. Voilà. Parce que je vous dis, ça coûte un bras de faire partir et encore on prend que 3 mètres cubes, hein, donc on prend même pas un grand conteneur. Ah ouais, c'est un petit truc, hein. Donc on prend que 3 mètres cubes, mais ça coûte un bras. Ouais, donc cet appel ce matin, il est lancé depuis l'île de la Réunion, hein, pour aider la petite Léonie, soutenez-la. Vous voulez faire un petit don, n'hésitez pas, on va vous mettre en lien la cagnotte Litchi. Et puis mettez un petit peu, c'est pas grand-chose, hein, même 10 euros, 20 ou 15 ou 5. Voilà. Hein, c'est dans les... En remerciant d'avance, de grand cœur, Léonie vous remercie d'avance. Ouais. Okay. On refera un petit coucou quand on sera arrivé. On en fera de temps en temps, on en fera des petits coucous à l'antenne, c'est sympa. Voilà. Hein, si on peut l'aider, la gamine, quand même, un petit peu, ça serait sympa, quand même. Voilà. Ok. Eh ben, Marie-Hélène, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes depuis l'île de la Réunion. Il fait 30 degrés. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Merci à vous. Et puis, on se reverra bientôt, on en reparlera, ok? À bientôt. Oui, très bien. Au revoir. Merci, depuis l'île de la Réunion. Salut, Marie-Hélène. Merci, au revoir. Et pouvez-vous m'appeler aussi 02 38 43 48 00. N'hésitez pas, lâchez-vous. Hein. Voici la belle Sarah. C'est pour moi. Ne regarde pas autour. Suis mes pas, j'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé amoureux, pour nous ce n'était qu'un jeu. Je ne partirai pas. Tes yeux, tu tiens. trouver un homme plus fort que n'importe qui. Il partage mes rêves et j'espère partager sa vie. J'adore cette fille. Sarah, elle fait plein de belles reprises. Marie-Hélène, depuis l'île de Réunion, elle était touchante. Sa petite histoire, hein, pour la petite Léonie. Ouais, si vous lui faites un coup de main, vous m'appelez à la radio. 02 38 43 48 00, même 10 balles. Hein, 10 balles dans la cagnotte. Allez, 10 balles plus 10 balles, 20 balles. Bah ouais, c'est calculé, Francky. Heureux d'être là. En tout cas, on va lui filer un petit coup de main, ça c'est sûr. 7h49 minutes, on aura Olivier Ravaillot au téléphone aussi pour le spectacle. C'est dimanche à la Ferté Saint-Thomas. Vous allez sur scène, hein, peut-être avec lui. Voici Daft Punk, Get Lucky. Belle journée et bon réveil en direct couleur. What keeps the planet spinning? The force in the beginning. Je mets toujours mon casque pour écouter les Daft Punk, moi. Dégage le qui aurait peut-être assez tranquille dans la radio. Ils séparent, ils reviennent ensemble, ils séparent apparemment, ils repréparent un projet. Ouais, c'est du buzz. En tout cas, on les aime bien, les deux DJ français. Moi, j'aime bien, c'était les débuts des Daft Punk. C'était vraiment le meilleur album là qu'ils avaient sorti avec One More Time et tout ça. Franchement, super, super album. Heureux d'être là, c'est tranquille dans la radio. 7h52, 02 38 43 48 00, vous m'appelez. 02 38 43 48 00, vous m'appelez. Je vous file des places pour dimanche. Spectacle d'hypnose à la Ferté avec Olivier Ravaillo qu'on aura au téléphone dans moins de 10 minutes. Ça va être du lourd, hein. Et ouais, sur scène, peut-être vous faire hypnotiser. Bien pourquoi pas. C'est dimanche à la Ferté Saint-Aubin. Je vous donne des places. 02 38 43 48 00. Bandeia la planète. Preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres, que não foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui bobo, te perdi por tão pouco. Se souber que mais alguém se colou a ti, tu sabes que eu te amo. Não as vais levar mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti, é. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti. Na Roma foi bobo que te perdi. Filles en ce moment, hein. Un seul carton, ça. Kalema avec Tiamo, belle journée, mon réveil, 7h54 minutes en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Il y a plein d'invités aujourd'hui, il y a plein de jeux à gagner. On était à la Réunion il y a quelques minutes et on est avec Richard au téléphone. Bonjour Richard. Bonjour. Ça va, la forme, en plein boulot peut-être? Ouais, j'y vais, là, tranquillement. Tu bosses dans quoi, Richard? La mécanique. Ah, il faut, mécanique automobile? Poids lourd. Poids lourd, ah ça peut servir, un hein, mécanicien poids lourd, hein, on sait jamais. Hein. Ouais. Tu as quel âge, Richard? J'ai 38 ans. Ok, tu es de quelle ville? À Vouzon. Ok, tu es marié, célibataire? C'est pas un interrogatoire, mais pour savoir un petit peu. Non, je suis en concubinage. Ok, et ben voilà, et ben, je vais te filer deux places pour dimanche après-midi du côté de la Ferté-Saint-Thomas. Tu connais la Ferté-Saint-Thomas? Oui, je connais, ouais, c'est à côté de chez nous. Et ben voilà, t'as gagné deux places là pour aller voir sur scène Olivier Ravaillo. Peut-être qu'il va t'hypnotiser, t'endormir. Ah, peut-être. On sait pas, on verra, ce sera voilà. Une surprise. Et ben voilà, Richard, je te file deux places pour dimanche après-midi pour aller voir ce beau spectacle à la Ferté-Saint-Thomas. Olivier Ravaillo sur scène avec ta conjointe, toi, avec qui tu veux, tu y vas. Ok? Ok, et ben, je vous remercie la radio et puis super radio, continuez comme ça. Ben merci, ben, je te rappelle, tu quittes pas, puis je te donnerai le moyen de récupérer tes places, ou alors ça sera sur liste, certainement, je pense, hein. Ok, ça marche. Tu quittes pas, Richard? Merci. Allez, à tout de suite, je te reprends en antenne. Du son qui arrive avec Dadju sur Radio Arc-en-Ciel. Merci, Richard. Merci. Ton nom de famille, c'est quoi? Chartier. Chartier, ok. Je pense que ça va être sur place, je vais demander au...

3 minutes en direct sur un arc-en-ciel. Je vous rappelle la météo ce matin, c'est pas terrible, hein. Des nuages, de la pluie, malheureusement, les températures sont plutôt fraîches ce matin. Un petit degré, on ne dépassera pas les 4-5 degrés. Ouais. Ça devrait s'améliorer tout au long de la semaine. Courage à vous si vous allez au taf ce matin. Vous êtes peut-être sur la route comme De Palmas qui arrive. Et puis peut-être encore avant 9h, deux places pour dimanche. Bravo à Richard qui a gagné ses deux places du côté de la Ferté-Saint-Thomas dimanche. Hein. Allez voir Ravaillo sur scène. Il sera au téléphone avec nous dans quelques minutes, Olivier. On vous souhaite un bon petit déj, une bonne petite douche, bien chaude, ça fait du bien le matin, sur la route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude. Ce matin, peut-être sur la route du boulot pour vous. Ouais, bon courage, hein. On est en Orléans, 96.2 FM en direct ce matin. Merci d'être aussi nombreux tous les matins à nous rejoindre avec De Palmas, c'est l'invité qui arrive, Olivier Ravaillo. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. À 3, tu vas dormir. 1, 2, 3, bonjour Olivier Ravaillo. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien avec cette fraîcheur. Ouais, ça va. Tu vas nous réchauffer ce matin peut-être avec un petit tour d'hypnose. Eh ben ok, bah pas de soucis. Ça serait bien, hein, t'imagines. Ouais, carrément. On va demander à tous les auditeurs de prendre leur calculatrice. Leur calculatrice sur le téléphone, ouais. Oui, exactement. Eh ben allez-y, vous avez 30 secondes. Prenez votre calculatrice sur le téléphone, tout le monde prend sa calculatrice. Voilà. Eh bien on y va, c'est parti. C'est parti. Et donc maintenant vous allez choisir un chiffre, et ça sera toujours en dessous de 10, hein. Un chiffre entre 1 et 9. Donc entre 1 et 10, mais pas le 10. Donc toujours en dessous de 10. Donc vous choisissez le chiffre que vous voulez et vous le multipliez par un autre chiffre, toujours en dessous de 10. Ouais. Vous le multipliez encore. Ouais. Vous multipliez encore avec un autre chiffre en dessous de 10. Ouais. Vous le multipliez encore. Ouais. Alors, Francky, toi, tu multiplies encore une fois. Et les auditeurs, encore une fois. Et encore une fois. Et vous faites égal. Maintenant, vous avez un résultat. Ce résultat-là, eh bien, vous allez additionner tous les chiffres du résultat. Okay. Si jamais le nouveau résultat est au-dessus de 10, eh bien, vous continuez à additionner ce nouveau résultat de façon à ce qu'il ne reste plus que un chiffre. Il y a Virginie, elle m'a dit que j'ai tout oublié déjà. Et si il vous reste un chiffre, eh bien, je pense que si nous sommes bien en connexion, que le chiffre est le 9. Ah ouais, eh ben moi je suis à fond, tu vois, et c'est le 9, voilà. Ok, donc les auditeurs, ils peuvent tous le dire en commentaire s'ils ont réussi à avoir le 9. S'ils ont le 9, c'est que nous sommes tous en connexion ensemble. Eh ben voilà, moi je suis connecté, en tous les cas, je suis connecté avec toi, mon ami, moi. Eh ben super, ben merci beaucoup. Je suis avec ma calculatrice depuis tout à l'heure, tu vois. Je suis connecté en même temps que calculatrice et toi à l'antenne. En tout cas, on est heureux de te retrouver ce matin sur Radar Arc-en-Ciel, mon ami. Ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Et puis, j'ai déjà un auditeur qui a gagné des places. J'avais lancé le jeu ce matin depuis 7h30. Ouais. Et puis, Richard, il a gagné deux places, donc déjà, il va y aller avec sa femme, je pense. Eh ben super. Voilà. Et puis, soyons fous, le premier auditeur qui t'appelle, eh bien, tu refais gagner deux places. Voilà, et bien voilà, on est fous ce matin. Vous m'appelez 02 38 43 48 00, là dans on va dire à 8h10, 8h15, et puis on vous fait gagner deux places pour dimanche à la Ferté Saint-Aubin. On fait comme ça, mon Olivier? À 15h, ouais, pour Hypnose au cinéma. Ça, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on on va s'attendre à quoi sur scène là? Eh ben en fait les gens qui vont être sous hypnose seront les héros des films que je vais leur proposer. Ils vont vivre une expérience incroyable. Ah oui, donc plein de surprises. Alors moi je t'ai vu, on se connaît depuis des années, je t'ai vu sur scène, je t'ai vu à l'œuvre. Franchement c'est bluffant, hein. Il y en a qui croient pas encore, etc. Et puis là quand on voit les choses, franchement, on se dit, comment il fait? Donc, pour les gens qui n'y croient pas, venez à la Ferté Saint-Aubin à 15h. Ouais, c'est dimanche. Bon. Et je peux vous dire, vous allez être surpris. Merci mon ami. À bientôt. Je te fais plein de bisous et puis je te donne en antenne les noms des gagnants, hein, ce matin. Super. Merci beaucoup. Belle journée, Olivier Ravaillot. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Au revoir. En direct ce matin avec Olivier Ravaillot. Vous allez gagner vos places 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Oh, oh, oh. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para de San Juan, ibas caminando con un par de amigas más, hacia la juguetona, como que no quieres la cosa, me tiraste una mirada misteriosa, y hey, máteme, con esa boquita embriágame, con tu cuerpo ven, sedúceme, quitémonos ya la ropa, y así desnuda te ves más sexy, para mí tú eres mi lady, yo soy tu maluma baby, amigos con derecho a tu buen provecho. avec Maluma sur la console 8h14. Virginie, elle a rien compris. Hein. Virginie, bah, c'est blonde en même temps. Hein. Salut Virginie, mon réveil. En tout cas, allez voir Olivier, c'est dimanche à la part des Saint-Aubin à 15h au château. Vous allez voir, ça va être du très très lourd. Vous allez en prendre plein les yeux. Bravo à Richard qui a gagné. Et justement, avant 9h, je vous file deux places. Vous m'appelez 02 38 43 48 00. Et je vous offre deux places pour le spectacle dimanche après-midi à 15h à la Ferté. Hypnose en direct, eh bien, c'est le 02 38 43 48 00. Déjate llevar. Caliente, 7h, non, 8h17, je suis déjà au petit-déj, moi. Bah ouais, salut Virginie qui est là, salut Francky, belle journée, merci. Il y a un autre Virginie qui a pas réussi à compter avec la calculatrice. Bah ouais, dimanche, je vous file vos places, 02 38 43 48 00. Vous m'appelez tout de suite, 02 38 43 48 00. Ça va être du lourd dimanche, là, sur scène. Et puis on va parler aussi de grosse soirée de la radio, là, la soirée de la Saint-Valentin. C'est bientôt, je vous en parle juste derrière. Avec un artiste qui arrive, Toca Danza, ça arrive juste derrière. Ça sera un hommage à Linda De Souza, ça va être une très très belle soirée. Le samedi 11 février, la Saint-Valentin, le bal de la radio. Je peux vous dire, il y aura du monde sur scène. Et ça va être énorme. Je vais vous envoyer Toca Danza dans quelques minutes, là. Ils seront là sur scène. 11 février, le bal de la radio. C'est à l'espace Montition. Et ça va être du très très très lourd. 8h16. J'adore cette fille, Katy Perry. Firework, mettez le feu ce matin au boulot. Bah ouais, comme elle le dit, firework, on vous souhaite un bon petit déj. Do you ever feel like the past will fade? work, hein, le feu au boulot ce matin, non, assuré, pas tout de suite, hein, 8h23 minutes en direct. Salut à Elisabeth qui vient de se connecter à la chapelle Saint-Mémin, belle journée Francky, je suis déjà au taf. Bah nous aussi, on vous parle justement de la Saint-Valentin, le bal de la radio, c'est le 11 février, je vous en parle tout de suite. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Vamos a bailar avec tout cadence sur scène, hommage à Cialinda de Souza. Bah ouais, elle nous a quitté il y a quelques semaines de ça. On lui fera un petit clin d'œil, un petit hommage avec plein de belles chansons. Samedi 11 février, la Saint-Valentin, fait son bal avec la Radio Arc-en-Ciel. Ça va être énorme, hein, le bal des amoureux, on va dire. Hein, avec plein de cadeaux à vous filer. Il y aura sur scène, je vous l'ai dit, Toca Danza, ça va être énorme. Le groupe aussi qui sera 25 avril, qui aura envie d'animer cette belle soirée. Ça va être à l'espace Mortition, l'entrée est gratuite pour les moins de 10 ans, les adhérents c'est 8€, les non-adhérents c'est 10€. Et un spectacle à ne pas louper à l'espace Mortition, Saint-Jean-le-Blanc, et c'est le 11 février, quelques jours avant la Saint-Valentin. La Saint-Valentin c'est le 14, voilà. On va mettre le feu sur scène, on va essayer. Et ils seront sur la scène, Toca et Danza, sur Radio Arc-en-Ciel, sur la scène de Radio Arc-en-Ciel, pour vous ambiancer le 11 février. En direct Radio France et l'Orléans 96 de FL, c'est la fréquence qu'il vous faut tous les matins pour vous réveiller avec Francky, 7h-9h. Ils seront sur la scène de notre bal Saint-Valentin, c'est le samedi 11 février à l'espace Mondition, Toca Danza, une belle événement de parade. On fera un petit clin d'œil à l'Anne des Souza aussi. On sera là, toute l'équipe, pour vous souhaiter une très très bonne matinée. Et puis direction Orléans, ils sont d'Orléans, MLG, ouais, je les adore. Voici Salsa, les Orléanais. Et en parlant d'Orléanais, demain, Tiad, notre Orléanais, sera notre invité en direct aussi. toi qui paye. C'est toi qui paye. Elle veut son déploy à tout ce qui la rembête. Elle veut monnaie que tu caches, c'est toi qui paye. C'est toi qui paye. Bon, hein, ils sont d'Orléans, on les adore, la salsa, hey, les MLG, vous allez les découvrir la première fois sur Radio Arc-en-Ciel. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio, on vous emmène jusqu'à 9h ce matin, 8h30 minutes en direct ce matin. Salut à Carole qui est connectée du côté de la chapelle aussi. Salut Francky, passe une excellente matinée. Bah vous aussi peut-être, hein, au boulot ce matin. Ça caille un peu, hein. Trois cafés gourmands, tiens, c'est l'heure du café pour tout le monde. Allez, heureux d'être là, Francky 96.2 FM. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. Dis-toi que c'est la même rengaine, que t'es pas tout seul avec ta peine. Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout, ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez, chante un peu, ça va déjà mieux. Des galères qu'on vit injustement. Des passages avides, des marques du temps. On a tous l'air de rien, mais on aime passionnément. Dis-toi que c'est la même histoire, que t'es pas seul à broyer du noir. Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tous, ils sont durs, les t'es pas seul avec ta colère. Tends-moi la main, prends la mienne. La vie ça tient à rien. Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout, s'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez, chante. On t'emmène, bah moi je t'emmène au boulot ce matin. Bah, c'est la mauvaise nouvelle. Hein. En tout cas, il fait pas très chaud. Un petit degré, jusqu'à 4 degrés. Malheureusement, le ciel est couvert, nuageux. Et quelques gouttes de pluie aujourd'hui. Bah oui, c'est ça. Normalement, le soleil devrait réapparaître mercredi. Ça va faire du bien. On va être là, voici Sensualité, le petit remix de la radio. Bon réveil à 8h32 minutes en direct sur Orléans. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement. affaibli. Radio Franciel 96.2 FM, Sensualité, la belle reprise d'Axel Red et on adore. Coucou à Edouard qui est connecté du côté de Saint-Privé aussi, Olivier aussi, à David qui nous dit belle journée Francky, merci pour le Sensualité, ça fait du bien aux oreilles. Ouais, bonne Sensualité le matin comme ça. Même s'il fait froid, on vous apporte le rayon sous le sol avec ce petit remix en direct ce matin. Lento, Daniel Santa Cruz. Et c'est le DJ de Portugal, Alex Mekenzo, qui l'a remixé. Et on adore Lento, tout doucement, ce matin, sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Salsa Tropical 02 38 43 48 00. Je vous offre deux places pour dimanche à la Ferté-Saint-Aubin, le spectacle d'hypnose. Vous m'appelez tout de suite. 02 38 43 48 00. Marquito qui arrive. On l'ose éteindre. Yeah. să intra valiul de mora. Nu să cabe și cu o oră ce-aș tu casată. Te vă agradece. Mă depide când nu faci întuiști chiar fi. Am la cură nu meu mundo că mi-a sufer. Doar tu nu fiind de semana. Ciel est très nuageux, ça caille ce matin, 0 ou 1 degré, on ne dépassera pas les 3-4 degrés. Au long de la semaine, ça devrait un petit peu s'améliorer. Hein. J'ai vu un peu de soleil normalement mercredi, jeudi aussi, avec un week-end plutôt ensoleillé avec du soleil, mais les températures devraient remonter à partir de demain, 8 degrés, jeudi 10, vendredi 10, samedi ça redescend un petit peu, 9 degrés, donc ça va à peu près se stabiliser avec quelques gouttes de pluie malheureusement aujourd'hui. Pas de soleil, le soleil fera son apparition normalement demain. Un petit peu de soleil, ça va faire du bien. Despacito, la version French qui arrive, on l'adore. Le cover de Sarah H sur la concert, 8h48, belle journée. Et bon petit déj à vous si vous êtes arrivé du côté d'Orléans. Oui, tu sais que je te regarde depuis un moment. Je veux danser avec toi maintenant. J'ai remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin, je le suivrai. Toi, tu es comme un aimant et moi le métal. Et me rapprocher de toi devient vital. Juste d'y penser, je sens mon cœur qui bat. Oh, moi, je ne suis pas dans mon état normal. Car ce que je ressens n'est pas très banal. Je sais que je pourrais très bien vivre avec ça. Tout doucement, moi je veux respirer ce parfum dans ton cou. Permets-moi de te dire à l'oreille des mots doux. Que tu y penses encore quand je suis loin de toi. Tout doucement, te prendre dans mes bras lentement, t'embrasser. Inscrire sur le mur de ta vie, de ton passé. Je sais aujourd'hui que toi seul me guidera. Ce que tu veux, alors laisse-le faire bam bam. Écoutez à ma bouche et dis-moi comment tu te sens. Je veux, on va savoir ce que tu ressens. Je ne suis pas pressée, l'important est faire le voyage. Partir lentement puis devenir sauvage. Zapapapapa, je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas. J'aime quand tu m'embrasses, j'aime quand tu m'enlaces. Je vois ta malice mais toujours avec la zapapapapa. Je me rapproche de toi, je laisse passer le temps, je m'en fais pas. C'est vrai que ta beauté est pour moi un dilemme. J'ai trouvé la solution à ce problème. Je veux voir ton corps danser, je veux suivre ton rythme. Que tu apprennes à mes lèvres, ces endroits que je ne connais pas. Je ne connais pas, baby. Laisse-moi aller au-delà de toutes les échos, nos corps dans les vagues avec le vent dans le dos. Je veux qu'à jamais tu te souviennes de ces mots. Pas un tas, pas un tas, je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas, je m'en fais pas. Proche de toi, je laisse passer le temps. Je m'en fais pas, je m'en fais pas. Que le jour se lève, faire que jamais tu ne m'oublieras. Tout doucement. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Passo, le son de Daddy Yankee. Heureux d'être avec vous, 8h53 minutes en direct ce matin, 96.2 FM sur Orléans. Et Alex Le Bail qui arrive, vous l'adorez aussi, l'Orléanais. Il était notre invité plusieurs fois, il va bientôt revenir. Et demain, notre invité, ce sera Tiad, en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Ah, un nouvel album pour Tiad, en direct à 8h54. Voici Le Bail. Dans la rue, ton bras m'a frôlé, presque nu. Comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. Comment m'ouvrir à ce désir, se dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but I will find a song that can. Thank you.